get out and shut your mouth. Stop. Oh little lady, can't you see you're out? Je vais tout mon garçon, je vais tout aussi bon. Prends-moi avec toi, tu seras mon roi. Je désire ta vie, je désire tes yeux. J'ai besoin de toi, donne-moi ton feu. Stop. Oh pretty girl, get out and shut your mouth. Stop. Oh little lady, can't you see you're out? Shut your mouth.